Chercher, trouver. Si vous cherchez, vous trouverez. 1. Trouver, gagner. Si vous trouvez, vous gagnerez. 2. Gagner, revenir. Si vous gagnez, vous reviendrez. 3. Revenir, rejouer. Si vous revenez, vous rejouerez. 4. Perdre, partir. Si vous perdez, vous partirez.